Combien grande est la multitude des vérités que le vêtement des mots ne saurait contenir. Combien nombreuses sont ces vérités qu'aucune expression ne peut rendre de façon adéquate, dont le sens ne pourra jamais être dévoilé et auquel il est impossible de faire l'allusion même la plus lointaine. Combien de ces vérités doivent rester inexprimées jusqu'à ce que soit venu le temps fixé pour leur révélation. Ainsi qu'il a été dit, tout ce qu'un homme sait, il ne le peut toujours communiquer. Quant à ce qu'il peut communiquer, il n'est pas toujours opportun de le faire, et ce qu'il pourrait opportunément communiquer ne correspond pas toujours à la capacité réceptive de ceux qui l'écoutent.